Souchong a un problème. Les petites sœurs sont dégoûtées par l'apparence et l'odeur des cadavres. Il faut trouver un moyen de rendre leur glanage plus agréable. Peut-être en les programmant pour qu'elles voient autre chose que les cadavres, quelque chose de plus attirant. Des petits chats, des bonbons, du chocolat. Le genre de choses idiotes que les enfants apprécient. Elles meurent toutes. Des mois entiers sans la moindre fièvre et soudain, ouf! Et à cause de quoi? La grippe. Maudite grippe. Elles sont virtuellement indestructibles. Une balle, elles guérissent. Une brûlure, elles guérissent. Mais si elles attrapent la grippe, c'est fini. Elles meurent en quelques jours. Ça doit venir du processus d'implantation. Il n'en reste qu'une seule. Son organisme doit résister au virus. Une seule petite sœur. Une seule séquence génétique. Même si toutes les autres meurent, ce sera suffisant pour sauver les sujets de l'extinction. Soyez dynamique, essayez Plasmic Week. Plasmic Week, votre corps comme vous le voulez. Le parasite déteste trois choses: l'économie de marché, le libre arbitre et les hommes libres. Le parasite a des vues sur Rapture. Ne perdez pas le parasite de vue. Atlas est un ami du parasite. Ne soyez pas l'ami d'Atlas. La rumeur est l'instrument du parasite. Fontaine est mort. Rapture vit encore. L'approche d'une petite sœur est un acte criminel. Ne vous approchez pas des petites sœurs. Les contrebandiers sont les amis du parasite. Vous devez dénoncer les contrebandiers. N'écoutez pas les mensonges d'Atlas et de ses parasites. Rapture est en plein essor. Un rappel d'Andrew Ryan. Nous faisons tous des choix, mais en définitive, ce sont ces choix qui nous font. Andrew Ryan vous pose une simple question. Êtes-vous un homme ou un esclave? Nous tirons tous la grande chaîne, et la grande chaîne nous tire tous. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Une mauvaise nouvelle? La peine capitale, ici à Rapture, quelle abomination! Tout doux, ma belle. Les seuls qui risquent la peine capitale ici, ce sont les contrebandiers qui mettent en péril tout ce que nous avons construit. Qu'arriverait-il si les Russes ou le gouvernement américain découvraient l'existence de notre paradis? Notre secret est notre seule protection. Tu as raison. Quelques exécutions sont un faible prix à payer pour protéger toutes nos libertés. Je préfère entendre ça, Marie. Salut, Marie. Tout va bien? Tu savais qu'Andrew Ryan avait pris le contrôle de Fontaine Futuristix? Je suis folle de rage. Calme-toi, ma belle. Je suis furieuse. Si nous sommes venus à Rapture, c'est justement pour fuir l'ingérence des gouvernements dans les affaires privées. Bien sûr, Marie, mais Andrew Ryan n'a pris le contrôle de rien du tout. Le Conseil s'est simplement occupé de la gestion de Fontaine Futuristix, en attendant de juger Fontaine pour toutes ses trahisons et ses crimes contre le peuple de Rapture. Tout, Marie. Tout rentrera bientôt dans l'ordre. Ah bon? Ouf, je suis vraiment soulagée. N'oublie jamais, Marie. Si tu doutes du conseil, tu fortifies les bandits. Hé, hey Marie, tu viens au grand match ce soir? On m'a dit que c'était les Ryan Raiders qui jouaient. Pas question, Jim. C'est trop dangereux. Tu n'es pas au courant? Les bandits d'Atlas sont partout. Hé, hey, attends un peu. Souviens-toi de ce que Ryan a dit. Si tu fais ça, les bandits ont gagné. Emmène ta famille à la forteresse Folâtre et en Arcadie. Sors, va faire du shopping. C'est ce qu'on fait, Rapture. Hé, hey Marie, pourquoi cette tête d'enterrement? Je ne sais pas, Jim. C'est à cause des petites sœurs, je ne sais pas trop quoi penser. Les petites sœurs? Ah bon? Tu savais qu'elles sont le ciment qui maintient Rapture en place? Vraiment? Bien sûr! Chez Ryan Industries, ils s'arrangent pour les élever aux petits soins pendant qu'elles font leur boulot et nous protègent des bandits et des terroristes. On a tous besoin d'Adam et des petites sœurs. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je crois que tu as besoin d'un remontant. Je ne me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Parfois, je vois même des choses qui n'existent pas. Tu es en descente de plasmide, Marie. Il faut que tu te calmes un peu sur les injections. Ça va passer en un rien de temps. N'oublie pas que plasmide bien choisi t'embellit la vie. Hé, hey Marie, pourquoi cette thermosade? Tu es au courant de ce qui se passe sur la place Apollon? Il paraît qu'ils enferment les gens dans des cages. Tu ne peux pas t'empêcher d'écouter les rumeurs, Marie. La sécurité de Rapture est en train de rassembler les pires crapules en attendant que le Conseil puisse les juger. Les gens disent qu'il y a eu des exécutions. Les gens racontent beaucoup de bêtises. Et tu n'as pas besoin de les répéter à tout le monde. Tu ne fais que fortifier Atlas et ses bandits, Marie. La sécurité de Rapture, c'est notre sécurité. Tout va bien là-bas? On croirait entendre la fin du monde. Cela ne présage rien de bon. Vous êtes toujours en un seul morceau? Je n'aime pas ce bruit. Tout va bien là-bas? Cette pauvre chose a connu des jours meilleurs. Je vous ai envoyé un petit colis avec de quoi tenir. Vous le trouverez dans le pneumatique le plus proche. Maintenant, ouvrez bien l'œil. Un peu de courant. C'est tout ce qu'il faut à cette porte pour s'ouvrir. Touchez-la avec votre arc électrique. Allez-y, touchez la porte avec votre arc électrique. Vous voulez finir votre vie ici? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Tâchez d'ouvrir l'œil maintenant. Absolutely not. I forbid it. Bodies are beautiful, even in death. Tu as fait preuve de bonté envers mes petites protégées. Mais es-tu vraiment notre amie? En tout cas, une petite sœur te fait un cadeau en gage de reconnaissance. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. Les petites sœurs n'ont jamais eu personne vers qui se tourner, excepté moi, mais je ne suis rien. Toi, tu leur redonnes espoir et je t'en suis reconnaissante. Je t'envoie quelque chose pour te remercier. J'ai vu tant de choses atroces et j'en ai fait de bien plus terribles encore. Merci de me rappeler qu'il reste encore un peu de lumière dans ce monde. Je t'envoie une petite sœur pour t'aider en chemin. La dent a amélioré tous les aspects de l'homme, pas son caractère. Il existe peut-être un plasmide qui développe l'esprit. Le secret est peut-être enfoui dans ton ADN. Je t'envoie une petite sœur avec de quoi soulager ton fardeau. Que puis-je vraiment faire pour ces gamines? Je suis souillée par le péché. Mais toi, toi, tu leur offriras peut-être un avenir que je ne saurais même pas imaginer. Une petite sœur vient te retrouver avec un cadeau. Bonne chance. Comme moi, tu penses que ce monde est malade, ya? Je ne sais comment te remercier pour ta gentillesse. Je t'envoie une autre petite sœur avec un témoignage de notre gratitude. Rappel aux citoyens de Rapture. Nous avons tous des factures à payer et la tentation de violer le couvre-feu pour aller récolter un peu plus d'Adam est bien pardonnable. La violation du couvre-feu, par contre, ne l'est pas. Restez bien sages et vous n'aurez pas d'ennui. Qu'est-ce qui se passe, Franck? C'est à cause de mes cheveux, Jim. Je me dégarnis un peu plus tous les jours. Tu sais, le problème ne vient pas de tes cheveux, mais de tes chaînes. Hé, j'ai pas envie de m'injecter des trucs. Mon ami m'a dit que c'était dangereux. Ton ami n'y connaît rien. Viens chez Horizon Génétique pour essayer le Néo Capillo. Non seulement tu auras des cheveux magnifiques, mais en plus, il n'y a aucun risque. Des cheveux magnifiques et sans aucun risque? Je crois qu'il est temps que j'aille essayer Néo Capillo. Rappel aux citoyens de Rapture. Le fond de l'océan est notre maison. Mais nous devons rester prudents. La moindre fuite d'eau est une menace. Veuillez signaler au plus vite toute présence anormale d'eau au Conseil central. Rappel aux citoyens de Rapture. Désirer un article venant de la surface est bien pardonnable. Mais l'acheter ou le faire entrer clandestinement dans Rapture ne le sont pas. Restez bien sages et vous n'aurez pas d'ennui. Bonjour tout le monde. Saviez-vous que 9 femmes sur 10 préfèrent les hommes athlétiques? Pourquoi ne pas en faire partie, vous aussi? Notre nouvelle ligne de plasmides sportives peut faire de vous un athlète encore plus complet que dans vos rêves. Venez nous voir au pavillon médical pour un essai gratuit de 2 heures. Vous apprécierez la différence, et elle aussi. Vos finances font gris de lune, notre service de chirurgie abordable se fera un plaisir de vous opérer avec un plan de financement adapté. Les maladies incurables n'attendent pas à la fin du mois. Et vous ? Avez-vous déjà vibré autant qu'en écoutant Sander Cohen ? Le musicien préféré de Rapture est de retour avec, qui ne connaît pas, son meilleur album à ce jour. Des chansons d'amour, de joie et de passion. En achetant qui ne connaît pas, vous aurez l'impression d'avoir Sander Cohen dans votre salon. Venez danser avec moi. Au voleur ! Tue-le ! Sale petit voleur ! Alerte sécurité en cours. Blocage des portes-cloisons inopérant. Je ne parierai pas sur vous. Ah, vous aurez plus de chance la prochaine fois. Ah, vous avez sûrement fait quelque chose à quelqu'un. Eh bien, j'espère qu'il reste quelqu'un dans votre famille pour porter votre nom. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Ah, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller du tout. Ah, non. Je n'aimerais pas être à votre place. Fermez les yeux et priez pour que ce soit bref. Votre mort sera peut-être rapide et indolore. Alors, avez-vous déjoué votre complot? Peut-être devriez-vous demander à quelqu'un d'autre. C'est celui qui nous a sauvés. Il est là. Celui qui nous a sauvés. C'est lui. C'est celui qui nous aide. Merci, monsieur. Merci de nous avoir sauvés. Merci. De tout notre cœur. Did you bring me a flower? Did you bring me a song? Au voleur! Tuez-le! Filthy little thief! Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Pas si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Dans le jardin, nous cultivons mille et une améliorations. Si tu veux les étonner, le jardin, tu dois visiter. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I want was lost, but now am found, was blind, but now I see, was grace that taught my heart to fear. And grace, my fears relieved. Oh, precious did that grace appear. the hour I first believed. Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The Lord has promised good to me. His words, my hope secures. His will, my shield and portion be. As long as life endures. Quel est le plus grand mensonge de tous? Quel est le pire outrage fait à l'humanité? L'esclavage? L'Holocauste? La dictature? Non. C'est l'outil qui modèle tant de vilenies, l'altruisme. Ceux qui veulent que les autres fassent leur travail en appellent à leur altruisme. Ils leur demandent d'oublier leurs propres besoins pour penser à ceux des autres, aux pauvres, à l'armée, au roi, à Dieu. La liste n'en finit pas. Combien de catastrophes ont été déclenchées ainsi? C'est le roi et ses sujets qui allument ensemble les torches de la destruction. C'est cette monumentale inversion, ce vieux mensonge qui a enchaîné l'humanité dans un cycle éternel de culpabilité et d'échec. Mon voyage vers Rapture fut mon deuxième exode. En 1919, j'ai fui un pays qui avait troqué le despotisme pour la folie. La révolution marxiste ne faisait que passer d'un mensonge à l'autre. Ce n'était plus un seul homme, le tsar, qui jouissait du travail du peuple, et le peuple qui profitait du travail du peuple. Alors je suis parti pour l'Amérique, là où tout homme pouvait profiter de son travail, où chacun pouvait jouir du fruit de son intelligence, du labeur de ses muscles, de la force de sa volonté. Pendant un temps, j'ai cru que j'avais trouvé le paradis. Je pensais avoir laissé les parasites de Moscou loin derrière moi. J'avais oublié les altruistes marxistes avec leurs fermes collectives et leurs plans quinquennaux. Mais alors que les Allemands s'en remettaient au bon vouloir d'Hitler pour le bien du Reich, les Américains s'enfonçaient dans un anti-bolchevisme primaire distillé par Roosevelt et ses amis. Alors, je me suis demandé dans quel pays il y aurait une place pour les hommes comme moi, ceux qui refusaient d'accepter les parasites et les incrédules, ceux pour qui le travail était sacré et la propriété inviolable. Et un beau jour, la réponse m'est joyeusement apparue. Il n'y avait pas de pays pour les hommes comme moi. C'est alors que j'ai décidé d'en bâtir un. Votre avidité vous perdra. Encore? Vous en voulez encore pour son immonde? Au voleur! Tuez-le, sale petit voleur!